J'suis un Asics, pas Louis Vuitton. Tu montes qui t'en nique, toi tu bidon. J'suis sur deux barres et j'suis sur le guidon. Et comme ce jeune qu'à la haine avec des larmes qui tombent. Allume ton buzz, fais-tu tourner à dis-le dans les rues de ta thèse. Ok, fais un œuf, pas de poulet dans ma caisse. J'ai les nerfs alors j'ai pas de la tête, tu m'apaises. J'fais le R1, faire des tours sur le terrain. J'aime pas les stars, j'aime quand ils se libèrent. Dis-toi que si ils font du mal, dis le perron. Dis-toi que tu réponds pas, un jour ou l'autre ils seront. J'en ai trop vu, dis-moi si j'dérange. Ami, ennemi, j'sais plus j'm'interroge. J'suis dans l'insomnie, j'me fous tes éloges. Ce qui paraît t'es un voyou, tu niques tout le monde dans tes hoches. J'en ai vu 17, dans la BKJC. Sur ma vie sur la crête, à du brisé. J'ai changé, ça ce que vous disiez. J'suis tranquille, toi tu regardes derrière quand tu vas pisser. J'me dois des athènes, les traumatiser. J'suis revenu des terres, la dame aiguisée. J'connais des gens, pour charcler des gens qui seraient prêts à trahir ou se déguiser. Tu veux teaser, on va te taser. Ou te mettre un gauche droite à la Diofradie. Ils font les vaillants, n'ont pas de casier. Toi tu parles, j'pense qu'un jour on va se croiser. Arrête de faire le mec, tu sais tout ce qu'on connaît. On rêve pour les vaillants, les mecs dans le bloc en train de charbonner. Ayo, c'est pour les vaillants, les mecs dans le bloc, pas cette femme à paillole. On a galéré grave, on a pas fait l'état viol. On va créer nos empires un peu comme nous sous la yole. J'te raconte ma vie, tu racontes ma vie. Vécu à la dure, vécu à la dure. J'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. Rafale dans ta dure. Ayo, c'est Marseille, compare-nous à Canton. C'est pas les cloches, t'es mec, les wiki sonnent. Là, j'suis avec le G, on fait du bruit à chaque feat. On vient retourner le game, y'a mon album qui sort. Fuck les schmitts, mon daré, mais il loot. Toi, tu fais le gros, mais quand c'est chaud, toi t'es où? Ouais, j'ai galéré seul, mais j'ai pas pris un coup. J'ai taffé dans mon coin sans jamais connaître le doute. Moi, j'veux des love, love, love, ouais, m'faut des sous. J'ai trop de face aux écrous, non, j'veux pas de love, love, love. J'ai connu trop de toi, pour l'instant, ça me dégoûte. Ouais, j'ai fait du chemin, j'sais qui me joue un jeu. Qu'aime rien pour creep, bête balle de 22. J'fais mes sous seul, j'ai pas besoin d'eux. J'me barre quand j'veux de partout, j'suis sous peu. Y'a pas de toi, nous, encore moins des scopards. Laisse-moi voir les allumer comme on buzz. Mais ce temps, c'est champ pour Y, elle a pas fini d'aimer la tête, c'est le buzz. Ayo, j'veux sourd, sourd. J'sais pas, mais j'entends que tu critiques en traite. T'es mon ami ou tu veux fumer comme ton bête. Ouais, chose des vies, j'ai plus le temps, frère.